Le comité national vénézuélien et le comité islandais de souvenir du camarade Kim Jong-il sont constitués respectivement le 26 novembre à Caracas et le 29 novembre à Reykjavik. Les comités ont décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits immortels du général Kim Jong-il à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.